Voilà. On va jouer par équipe. Le principe, c'est que on va se déplacer dans l'espace. À un moment, on va s'arrêter. Chaque personne va braquer quelqu'un, mettre en joue quelqu'un, etc., etc. Et il y a des gens qui vont se retrouver à la fin du tour éliminés. Et comme à la fin, enfin éliminés, pas définitivement du jeu, mais ils vont aller à l'hôpital soigner leurs blessures par balle. Et du coup, à la fin du tour, on partage l'argent, mais on partage une part un bonhomme. Donc si dans votre équipe, il y a 5 bonhommes valides, vous recevez 5 parts. Si vous êtes tout seul et que les 4 autres sont à l'hôpital, vous recevez une part. D'accord? Donc le but du jeu, c'est d'essayer de rester, de faire des stratégies pour avoir le plus grand nombre de personnes valides dans votre équipe à la fin d'un tour. Comment on joue? On joue avec ces cartes. Donc je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Ça permettra de continuer à expliquer la règle du jeu. Donc les cartes, elles ont un double effet. C'est-à-dire qu'elles sont d'une part des billets. Donc les billets, il y a 5 000, 10 000, 20 000. Et d'autre part, des armes. En début de tour, je vais voir un capitaine d'équipe. Mettons que Laurent est capitaine de l'équipe des jaunes, par exemple. Je vais dire, vous êtes combien dans ton équipe? Il va me dire 4. Je vais lui filer 4 cartes. Ça sera son stock d'armes pour le tour. Les armes, ils vont se les répartir comme ils veulent. Tout le monde va répartir les armes. On va dire, tiens, toi, tu vas prendre ça, toi, ça. On va faire comme ci, comme ça, machin. On va essayer de faire ci et ça. Une fois que toutes les armes sont réparties, dans la zone délimitée, vous allez commencer à bouger. Car vous allez pouvoir vous déplacer, essayer de vous placer stratégiquement par rapport aux autres. Vous pouvez y aller en mode subtil, en mode un peu plus en courant, machin. Et à un moment, je dis stop, on s'arrête, on braque. D'accord? Je vais vous décrire les différentes armes qu'il y a, c'est assez simple. Il y a un pistolet. Un pistolet, ça fait bang une fois. Il y a... Hop! Attends, je vais prendre les trois dont j'ai besoin de suite, comme ça sera mieux pour l'explication. Il y a le double gun. Alors là, le pistolet, bon, vous me faites un braquage un peu viril, comme ça, quelque chose. Le double, ben, vous faites double, quoi. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Vous choisissez deux personnes, vous braquez les deux. Et il y a le shotgun. Donc ça, les deux coups, ils partent d'un coup, mais sur la même personne. D'accord? Donc ça, c'est hôpital direct. Hein, ça fait très très mal. Donc le principe, en premier lieu, je vais appeler tous ceux qui ont des pistolets. Ceux qui ont des pistolets vont lever la main, donc il y aura une main qui braque et une main levée. Et puis du coup, bah, tous ceux qui auront pris un coup de pistolet, main sur le cœur, ils ont pris une balle. Ils sont pas encore à l'hôpital, mais bon, ils peuvent plus tirer, ils ont reçu un shoot, ils sont quand même un peu moyens, quoi. Deuxième temps, je vais appeler les double guns. Donc double gun, eux, bah voilà, s'ils sont pas fait tirer dessus sur le premier temps, bah, ils vont pouvoir tirer sur les deux qui visent. Et les deux qui visent, pareil, main sur le cœur. Si jamais ils se sont déjà pris un truc, ils filent à l'hôpital, quoi. Et le plus gros, le shotgun, lui pour le coup c'est crack, ça tire deux balles d'un coup, ça envoie direct à l'hôpital, là il n'y a pas de négociation. D'accord? Et on peut même faire, on va rajouter une petite règle que j'aime bien, c'est la règle du recul. Parce que vous savez, c'est comme quand on tire de la grosse grenaille. C'est-à-dire la personne se met à pieds joints, elle écarte les bras, elle saute d'un pas en arrière et tous les gens qu'elle touche à l'hôpital avec. D'accord? Donc si vous êtes juste derrière quelqu'un qui prend une rafale de shotgun, vous risquez de vous partir avec. Donc ça, c'est les armes de base. Je répète, le pistolet, le double et le shotgun. Ça va pour les positions? Tout le monde est au point? Pistolet, double, shotgun. Maintenant, il y a trois trucs qui fonctionnent en réaction, c'est-à-dire qui se déclenchent si on vous tire dessus. Le premier qui se déclenche si on vous tire dessus, ça c'est relativement le plus simple, c'est un pansement en Kevlar. C'est-à-dire ça fait boum, même pas mal. Vous prenez une balle, il se passe rien. D'accord? Alors ça marche pas avec le gros fusil. Le gros fusil, ça fait boum, c'est passé, quoi. D'accord? Ça marche que avec les petits pistolets. Ok? La deuxième arme qui se déclenche comme ça, qui est relativement gentille, c'est le couteau. C'est-à-dire je prends un coup, je me venge, j'ai pas le droit de bouger. Il y a un de mes pieds qui doit rester au sol là où il est, mais je peux faire mais je dois avoir un pied qui bouge pas. Et après je peux m'étendre comme je veux, m'arranger, m'affaler. Si j'arrive à toucher quelqu'un, c'est bon, il prend. Et le troisième qui est le moins sympathique de tous, grenade. Grenade, c'est j'avais une grenade sur moi. La grenade se déclenche, je fais un saut à pieds joints dans la direction que je veux, je tourne sur moi-même, tous les gens que je touche, hôpital. Dac. Donc cela, quand on a cela, quand on a soit celui-là, soit le couteau, soit le pansement, pendant la première partie du jeu, on va faire comme si, c'est-à-dire on va mimer soit un fusil, soit un pistolet. On va faire comme si on avait quelque chose. Il n'y a pas de mime spécial pour le couteau ou le pansement. Donc on fait soit le pistolet, soit le double, soit le shotgun. Et on fait comme si on avait vraiment une arme dans les mains. Et au moment où on nous tire dessus, au moment où on reçoit quelque chose, l'arme se déclenche. Et à ce moment-là, bah, on résout un par un les différents éléments. Tous ceux qui sont blessés vont à l'hôpital. Donc ils partagent pas au, ils participent pas au partage ce tour-ci. Et ils sautent le tour d'après et reviendront dans le jeu, mais un peu plus tard, le temps qu'ils soient soignés, ravigotés, tout ça, que ça aille mieux. Donc voilà, quand on a pris un coup, en fait, on va sauter un tour. D'accord ? Ceux qui ont pris deux balles en shotgun. C'est pareil, dès que tu es à l'hôpital, tu sautes un tour. D'accord ? Il y a une solution éventuellement pour éviter de prendre des balles. Par exemple, je vais demander à tous les gens qui ont des t-shirts jaunes de me braquer. Faites comme si vous étiez en train de me braquer. Voilà, admettons, je me retrouve dans cette situation-là. Là, ça sent mauvais, quoi, on est d'accord. Je vais peut-être pas prendre le risque que les 5 aient bluffé. Donc à un moment dans le jeu, juste avant qu'on résolve, il y a la possibilité d'aller se cacher. Donc se cacher, en général, on désigne par exemple l'arbre des lâches. Donc on y va. D'ailleurs, je dis non, non, mais moi, non, c'est bon. Je me cache. Et quand je suis caché, du coup on peut plus me tirer dessus. Mais par contre je participe pas non plus au partage quoi. Hein, je suis sous la table, je suis en mode pétoche, donc il n'y a plus rien à faire, c'est terminé quoi. D'accord ? Donc l'idée, voilà, le tour se passe comme ça, je viens voir les capitaines, je leur donne les cartes, vous faites votre tactique. On se déplace dans l'espace, je vais vous délimiter l'espace. Au moment où je dis stop, tout le monde braque quelqu'un. Et pas à pas. Juste avant, on va voir qui veut rester, qui veut partir. D'accord ? S'il y en a qui veulent partir, ils vont se cacher. Après, on fait la résolution et tous ceux qui sont encore debout viennent me voir. On partage l'argent. Et puis après, on enchaîne. On va faire en tout 5 tours. Au bout de 5 tours, l'équipe la plus riche a gagné. Question, si je comprends bien, même ceux qui n'auront pas de carte font un geste. Tout le monde a une carte. Tout le monde a une carte. Y en a qui auront une grenade ou un couteau ou un pansement. Et ceux-là, ils font le geste aussi. D'accord ? Ils choisissent le geste qu'ils veulent entre le pistolet, le double et le shotgun. Ah, ok. Ça marche ? Ouais, donc, mais est-ce que ça agit vraiment ou est-ce que c'est juste un bluff ? Non, ça se déclenche au moment où, en fait, si on te tire dessus, ça se déclenchera. Sinon, je t'appellerai pas, donc t'auras juste rien à faire de spécial. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est, par exemple, si je fais le flingue, ouais, et que j'ai pas de flingue encore. Eh ben, il se passe rien. C'est au moment où je dis qu'il y a un flingue, tu dis rien. C'est vrai, quoi. Voilà, c'est juste un bluff. Combien êtes-vous à jouer ? Tu joues, Thomas ? Non. Non ? Moi, je suis déjà invalide, moi, donc... D'accord. Ça n'empêche pas forcément. Non, mais je vais ouvert. Tu veux jouer ? Non, mais pas jouer. Paul, tu connais la règle ? On a joué l'année dernière. D'accord. Eh bien oui, si tu connais la règle, oui. Ouais, Dorian, t'avais une question ? Non, non, c'est bon. Donc, tu joues ? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Il y a un 16e qui vient, on fait 4 équipes de 4. Le 16e. Le 16e, c'est un velu. Bah écoutez, je vous laisse faire les équipes librement. Vous pouvez choisir de vous mettre entre gens qui se connaissent ou pas, justement, pour le jeu. Les gens qui veulent gagner avec moi. Les gens qui posent, qui bluffent ensemble. Allez, tous les 4. Allez, ouais. Avec un micro. Un micro. Alors les capitaines d'équipe, il faut élire un capitaine d'équipe. Mets-le 3. 3. 4. Toi t'es avec qui ? Les 2. La 4. Toujours ? 3 ouais, mais moi c'est 3. Ça ne fait pas ça ? Non, on fait 3 équipes. Je pense que... C'est une équipe de 3. On est 15 en fait. On est 15 là ? Eh bien sinon on fait 3 équipes de 5. Ah. Ah ouais. 3 équipes de 5, si on est 15, je croyais qu'on était 16. On est 15. Et eh bien allez, 3 équipes de 5, c'est parfait, ça marche aussi. Ah, où je rentre, c'est quand même. Après, si tout le temps joint, je suis en train de prendre. Je vais quand même pas me marrer. Tu joues ? Ok. Et eh bien alors, 4 équipes de 4. Ouais. Ok. Alors, capitaine d'équipe, qui sont les capitaines ? Les capitaines, Jérémy. Voilà. Allez, venez. Venez, team. Bon, ok. Donc, déjà, on va se donner de noms de code. Bon, bah, on a du lourd. Hein. On a du costaud là. Donc s'il y en a un qui veut jouer plus défensif, qu'il le dise, comme ça il prend ça déjà. Ouais, moi c'est... J'essaierai de, ouais, de me glisser un peu. Ça marche. T'as compris comment ça marchait, tu... Ouais, genre... je vais chez près des gens et... Il faut qu'on te tire dessus quand même. Oui, oui, oui, tu fais juste le signe du flingue. Tu fais le signe du flingue. Moi j'aime bien le double. Tac, et nous, du coup, on fait... Oui, ça c'est le double comme ça. Bourrin. Tu bourrines. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que d'autres? Moi je pense que c'est l'équipe là-bas, c'est l'équipe à battre là-bas. Ouais. Clairement, non mais c'est franchement c'est. On tue Laurent, comme ça c'est bon. On bute Laurent, moi j'ai dit Laurent et Thomas quoi. Les deux en premier. On est plus direct. Après on réfléchit. Je tirais sur Chris et après. Et Chris, ouais. Chris, je pense que c'est vraiment pas. Il y en a qui ont déjà joué si tu veux, donc tu vois. Faut... D'accord. C'est comme un sport hier quoi. Ouais, t'as Laurent et Thomas déjà. Même, déjà, il y en a trois là-bas dans l'équipe qui ont déjà joué. Et là, il y en a. Enfin, il y en a au moins un, l'autre, je sais plus, je me souviens. Et donc, juste pour rappel, pour la Golan, on aurait dû faire un pas et après tourner. Je crois que c'est ça. Moi, je crois que tu sautes. Ouais. Tu sautes, oui, en avant. Tu sautes, après, tu fais ça. Ça ouais. Tu fais. Le truc, c'est que tu peux aussi tuer tes amis. Non, j'ai pas essayé. T'as compris que tu fais le signe du flingue. Ouais, du coup, faut qu'on se tienne toi. C'est là que tu bluffes. Et si jamais il y a quelqu'un qui te tire dessus. Comme ça, mais je vais essayer de. C'est pas grave, si tu tues quelqu'un de notre équipe, mais que tu peux en tuer 3 de l'or, ouais. Vas-y quoi. Ouais. On va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter. Ok, donc on fait comme on a dit quoi. On fait ça. Ouais. T'enregistres. Ouais. Les explications. C'est bon, tout le monde est au point? Ouais, c'est bon. La limitation, Nico, c'est les arbres là. Avoir à l'accueil, c'est pas. Peut-être faire un message à l'accueil, essayer l'accueil. Allez, passez le four. Ouais, super. Alors, la zone, pour être bien, on va se mettre là. Ça sera un peu plus petit parce que là, la zone, je la trouve un peu grande, on va pas être assez serré. Pas les arbres ici, on dépasse pas les arbres là. Vous pouvez prendre la zone d'ombre là, voilà, jusqu'au petit arbre, la zone d'ombre là, comme ça c'est bien. Okay. Donc les limites latérales, là ici derrière moi c'est l'ombre, et là sur les côtés c'est les arbres. Ok. Vous êtes prêts? On est prêts. Je décompte de 10 à 0. Oui, attends, oui, l'équipe. C'est qui les équipes déjà? Principal, c'est de savoir à qui tuer. Après, petit à petit, tu verras qui tu veux viser. C'est parti. Allez, 10. Pour une démarche un peu... 8. 7. Ah mais c'est pas besoin de faire ça. Je croyais que c'était 6, tout de suite. Ouais, moi. Bah, si t'as envie d'intimider 2, les gens. 4. Ouais. 3. 2. 1. 0, stop. Tu me cherchais. Ok, plus personne ne bouge. Là, vous avez 30 secondes pour repérer qui vous braque, qui casse par vous, comment ça vous tire. Je laisse observer, faites attention, il y en a qui sont derrière, regardez bien partout. Ok. À partir de maintenant, je vous laisse 3 secondes. Dans 3 secondes, ceux qui restent, vous criez Corones. Et ceux qui restent pas, vous allez vous cacher derrière l'arbre là-bas. Attention. Bon, là, c'est un peu tendu, là. 1, 2, 3. Corones. Ah là là, il y a de la testostérone dans l'air, je vous le dis. Moi. Tout le monde reste. Tout le monde reste. Qui a un bang dans les mains? Un revolver. Les bangs. Alors, il y en a un ici. Tu tires sur qui? Sur le bleu. Le bleu. Tu mets la main sur le cœur, tu lâches ton arme et tu me rends ta carte. Si elle s'active ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as dans les mains? Un couteau. C'est pour qui le couteau? Si je le coupe là, il pourra quand même tirer sur lui derrière. Non. Non. Main sur le cœur. Est-ce que t'as quelque chose qui s'active? Oui. Grenade. Oh. Vas-y, va vers lui. Allez, hôpital. Hop. Joli, celle-là. Est-ce qu'il y a un autre bang? Il y en avait là-bas. Donc là, il y a un bang vers là. on s'en est bien sorti. Tu joues toi ou pas? Ouais. Je vise Laurent. Shotgun, je suis pas sûr avec le micro et tout. Mais il fait quoi? Il enregistre ou Donc là c'est bon, il n'y a plus de bang. Corto là. Ah toi pardon. Donc sur qui tu tires? Le grand en noir. Ok. Le grand en noir. Est-ce que t'as quelque chose qui se déclenche? Non, c'était un shotgun. Donc c'est bon, main sur le cas. Double gun. Deux doubles. Ça va rigoler. Alors, un pour Jérém, un pour lui, c'est ça? Bon, prénom Thomas. Donc Jérémy, la deuxième, Osto. Toi c'est la première. Poignard. Donc il se déclenche. Tu dois garder un pied au sol, celui que tu veux. Si tu peux toucher quelqu'un, c'est bon. Ok. Non, mais t'es pas, tu restes là. Oui, je récupère la carte. T'as qu'une blessure, donc ça va. Double, c'était pour qui? Ok, hôpital. Non, non, c'est à toi. Lui? Oui, lui, il en prend un. Et l'autre? Et l'autre, il est déjà mort. Non, c'est ma deuxième blessure. Oui, c'est ouais, non, non, c'était sur Laurent. Ah, c'était ah, donc, main sur le cœur. Je balance, c'était sur Laurent. Il y avait quelqu'un avant, ouais. Non? Ah, couteau, attends, couteau. Parce que du coup... Il y avait? Je dis, il y avait parce qu'il y avait des gens avant. Oui, il y avait des gens avant, mais il y en a pas mal là-bas. Le premier tour, ça a cartonné déjà. Donc, ton couteau? Oui. Vas-y, t'as deux personnes derrière, je pense que tu peux atteindre. Bim! Ah, c'est ta deuxième? Ouais. Hôpital. À le deuxième tour, il va y avoir de la maille à se faire. Tout seul. Et est-ce qu'il reste des shootguns valides? Oh, c'est bien ici le. Ça a bien démarré, on n'était pas touché après. On va procéder au partage. Bon. C'est toi qui as utilisé la grenade. Hein. Non, mais c'est bon, nous on a bien fait, on a du nettoyage. Je le vois. Il a fait de l'épuration ethnique. Vas-y, il y a des wagons à l'équipe. Il y a les 4. Ah, l'équipe elle est toute seule. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. J'ai 10 000, 20 000, 30 000. Ah, je n'ai pas rendu moi la carte. Moi non plus, mais je pense pas qu'il faut. 90, 100, 120. Demande-lui quand même. 130, 140. Nico? Nico? On t'a pas rendu les cartes, nous? Ah oui, ben bah, amenez les cartes. Je vais les amener, moi. 140. Ah oui, bah oui, la ah, grenade. Il faut rendre les cartes. Hein. Ah ouais, c'est bon. Alors déjà, je vais donner les par équipe, hein, l'équivalent de 10 par personne. Donc là, vous, ça fait 20. Là, ça fait et qui en a 10 par personne, ils sont 4, ça fait 20. 10. J'ai pas été bon. Non, 2 fois 20, oui, pardon, j'ai donné 2 fois 20. Je l'ai mal dit, mais je l'ai bien fait. Donc là, on peut rajouter 5 chacun. Ah, tu l'as laissé où là, voilà. ta copine. On est mal là. On n'est pas très bien là. C'est plus partageable, je le remets au pot pour le tour d'après. Vous, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder. Mais rétablissez-vous bien, vous revenez le tour d'après, d'accord? Du coup, vous avez fait sur ce tour-là, on l'oublie. Ah ouais, ouais, pour partir en mode... Finalement, on est l'équipe, alors, on a le moins de personnes. Pour Lucille, il va falloir jouer serré. Hein. Oui. Voilà, 4 cartes. Voilà. Allez, viens Lucille, ce sera la première. Moi j'y suis allé en streaming, puis après j'ai eu du revoir. Ensuite les deux moins. J'y vais. Merci pour tout. Les trois. C'est super bon même. Et les quatre. C'est le même principe. Allez, on s'en va un moment. Avec et... On a rigolé, mais on a été email et tout. Ouais, vas-y, fais. Alors tu peux. En même temps, tu vois, quand on est tout seul comme ça, pour moi, il me change de discipline. Genre, j'ai un bon retour. Bon, c'est pas grave. Tu rentres? Bon côté des choses. À bientôt. Ah mais là t'es toute seule donc ouais, ils vont peut-être pas te cibler tu vois. Si peut-être. Ou alors ils vont carrément éliminer. Faut mettre une équipe au fond ou départ au moins la stratégie. Faut voir. Merci. Et merci mille fois pour le parceler. Avec plaisir. Il m'a ramené un truc que j'ai cherché depuis longtemps. Alors vous êtes prêts? On y va? Là, ceux qui sont 4 ont peur là. Ouais. Parce que là. Ouais, ceux qui sont 4 ont normalement toutes les autres équipes. Il va y avoir. Allez, 10! 9, 8, 7, 6. Il bouge pas là. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh le régal. Oh le régal. Alors là, s'il y en a un qui a une grenade au milieu, ça va taper. Alors ce que je propose, l'hôpital, on va ouvrir deux sections. On va dire ça, c'est la section 1, la 2 sera là. Pour pas qu'on confonde des malades. On va reproduire les Phone Towers. Alors le principe, c'est le même que tout à l'heure. Des comptes de 3 à 0. Ceux qui veulent rester, ceux qui la sentent bien, ceux qui pensent qu'ils peuvent tenir. Coronet. Et les autres, bien l'arbre là. Je trouve que pour un arbre, des lamentations très bien reçues. 3, 2, 1, Rolex. Ah, il y a toujours autant de testez-vous là. Vous avez vu tout à l'heure le carnage que ça a fait. Alors, les bangs. Qui a un bang? Un pistolet tout simple. Ici, il y en a un. Contre qui? Vous deux. C'est ça? Donc toi, tu tires sur lui? Non, sur lui. Et toi, tu tires sur lui aussi. Ouais. Vous tirez tous les deux sur lui. Ouais. Alors lui, il prend deux balles et il a une grenade. Et ben, les cartes. Bouge pas. La grenade, ça fait mal. Tu sais, touché par la grenade. Ouais, oui, il a un couteau. Non, la grenade, c'est automatique. Okay. Hein. Ah oui. Hôpital, section 2. Il y avait un acte kamikaze. En fait. Hôpital, section 2, c'est là-bas. Alors, est-ce que le soleil, il y en a des doubles? Oui. Donc, un à droite, un à gauche. Hop. Un pansement, donc c'est bon, tu restes là normal. J'ai le ballon. Il y avait quelque chose sur toi. Ah oui, bah, deux coups, main sur le cœur, tu pourras juste pas tirer parce qu'elle t'a tiré dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le gros shotgun? Oui. Tu tires sur qui? Ah, tu l'achèves. Allez, sur deux. Ah là, le partage, ça va être marrant. Est-ce que toutes les équipes sont représentées? Est-ce que tout le monde a rendu les cartes? Bon, ça passe. Prends ta carte maintenant. Hop, c'est bon. Eh ben allez, on vient là. On est 5 pour le partage. Les maths, ça va être plus simple. Alors... 2e tournée, allez, vous en prenez encore chacun un. Ah, mais ils sont deux dans l'équipe là. Oui, mais ils ont tous pris un billet en fait. Chacun, hein. C'est pas par équipe qu'on partage, c'est par tête. D'accord. Alors, la section 1, vous revenez. Youpi. La section 2, vous la section 1. Tu gardes nos sous du coup. Ah bah. Ça va. Alors, les sous, c'est le capitaine qui les garde. Ah. Ah, il les met quelque part dans la poche. C'est moi qui les sous. Ah. Ouais. Si vous voulez, vous faites une petite cachette derrière un arbre, vous les donnez à quelqu'un. De... Et les sous de la première partie, tu les as aussi ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il avait survécu. Effet grenade. Capitaine d'équipe. Bah, du coup, allez. Vas-y. Tout seul, alors. T'es tout seul. Tu es la Lucille de ce tour. Trois. C'est ce que je me disais tout à l'heure. 4. Ah, ça y est, ils ont constitué à peu près une équipe. Oh, c'est vieux. Ils ont aussi vieux. La vengeance. Bon, par contre, je peux pas leur jouer là, parce que sinon on va s'y attendre. Je veux bien apprendre si tu veux. Moi, je garde le double. Je prends ça. Alors, on peut essayer. Le but, c'est de se sacrifier quand t'as une grenade. Il te faut être d'un pas, tu vois. Tu te mets bien à côté des gens, tu vois. Tu leur fais d'un pas, comme ça, tout le monde te suit, tu vois. Le mec avait le t-shirt lingue est tout seul, donc si on le tue, son équipe elle sera pas complète non plus au tour suivant. Ouais. On côté. Allez, tout le monde a l'air la tête en l'air. 10, 9, oh, j'ai une démarche de bad boy, mon équipe là. 7, 6, 5, 4, boing, 2, 1, 0. Ok. Non. Comme tout à l'heure, vous avez 3 secondes pour réfléchir un peu à quelle position vous êtes. Pensez à regarder des shotguns dans le dos, voilà. Non, dites-le à lui. Alors, je crois qu'il a des sont grands, faut respecter. Bien, 3 secondes. T'es sûr, hein? Corones ou l'arbre des machins. 3, 2, 1. Colores. Ah, il n'y a que des bruitages dans cette arme. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des bangs? Enfin, le bang bang, le flingue de base. Oui. Il y en a. Oh là là, il y en a plusieurs. Alors, sur qui tu tires? Dorian, et toi en simultané sur lui? Bon, bah, les deux mains sur le cœur, je récupère les deux cartes, ça c'est fait. Et toi? Sur Dorian aussi. Tu es chef Dorian, ok. C'est pas très gentil. Donc, section 2. Non, ça y est, là, il n'y a plus d'équipe. Ok, les doubles guns. Ah, deux doubles guns. Ah, attends, je vais dans l'ordre. Jérém, tu prends un coup de gun. Ouais, moi j'ai. Grenade. Alors attends, une seconde. Donc là, coup de gun aussi. Donc Jérém, grenade. Donc je te rappelle la procédure, pied joint, tu sautes dans la direction que tu veux, ou alors tu bouges pas, tu tournes sur toi-même, tu sautes, tu touches hôpital. Allez, récupère les cartes, hôpital, section 2. Et ça, je peux le jouer en réaction ou quoi? Ah non, pas avec la grenade. Ok. Non, avec la grenade, il y a des lambeaux de peau qui pendent. Des... Et la 2, donc là, ici. Hop, qu'est-ce qu'on a en réaction? Franchement, donc il ne se passe rien. Et là, shotgun, donc du coup, main sur le cœur. Alors tu restes là, hein, t'es pas... Et maintenant, les shotguns. Est-ce qu'il reste un shotgun debout? J'en ai été touché, on ne peut pas tirer. Et non. Bon bah vous venez là. Vous ramenez les dernières cartes et on y va. Alors si vous pouvez vous mettre par équipe comme d'hab, c'est super. Enfin par équipe, pour les trois qui sont. Alors, ah c'est moche, il est gros celui-là. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, allez, ouais, déjà on va commencer par 20 000 par tête. Et alors attends, j'avais tout à l'heure, j'avais un petit reliquat, on va voir si ça se partage. Non, ça se partage pas. Donc 20 000 par tête et il y a un petit reliquat de 20 000 qui traîne. La section 1, vous pouvez revenir. Et vous venez me voir par équipe pour avoir vos... Ah, les capitaines d'équipe viennent me voir pour avoir leurs armes du tour. Tu veux tirer au milieu? Non, il n'y a pas de triche. Hein, c'est... 3. Ouais, faut le viser. 3. Ah, trois équipes où ils sont trois. Trois, tout le monde est trois. Tout le monde, il est trois. Tout le monde, il est trois. Bah oui, un check à l'hôpital. Bon, ben. Mais ça veut dire qu'on va mourir. Alors je rappelle, nous sommes à l'avant-dernier tour. Ce qui signifie que tous ceux qui se font tuer à ce tour ne reviendront plus. Logique, parce qu'il n'y aura plus qu'un tour derrière, donc ils feront le dernier tour à l'hôpital. Hein, donc ce tour-là, si vous avez trois ou quatre personnes qui vous braquent, c'est peut-être le moment d'être lâche. Au cas où, hein. Ouais, je vais essayer de me tenir loin en fait. Moi je vais me faire lâche. Moi je vais me faufiler. Ouais, je verrai si je suis beaucoup blessé ou pas. Même ça dépend de la situation. Bien. Tout le monde est prêt? On est prêt, on fait tout le monde. Allez là, 10. Hein. Et moi je vais faire 9. Tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On sent qu'il y en a contre la grenade. Bien. Vous savez tous ce que vous risquez. Vous connaissez le principe. 3 secondes, corones. Hein? Ou l'arbre. Les deux de l'équipage Jérémy là. Attention. 3, 2, 1. Coronès. Ah non, il y en a encore. Moi juste, c'est bien, c'est le moment d'être lâche, parfait. C'est la même équipe, ils sont tous partis. Il en reste un. Bien. Et bang, bang, bang. Il y a des flingues, tout simple. Ah, c'est bon, flingue, bien sûr, lui, en rouge. Non, non. Les si, il est blessé, il peut pas tirer dessus. Grenade. Allez, section 2, section 2. Est-ce qu'il y avait d'autres bangs? Tout simple. Mais j'ai pas, j'ai récupéré les deux cartes, c'est bon. Non, pas d'autres bangs. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des double guns? Ouais, mais ils sont... Ils sont tous les deux morts. Ils sont contre l'arbre des fleuves. Ils sont contre l'arbre des fleuves. Vous avez bien fait, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des shotguns qui restent? Ouais, pareil. Ah, il tire dans le vide. Bon, bah, tout ce qui reste, vous venez avec vos cartes, on fait ça. Il faut ramener. Nicolas, tu auras un... Oui. Et du coup, nous, on revient aussi. Non, on partage. Ah non, non, vous partagez, si pas on partage. Hein, vous êtes cachés derrière l'arbre, là. Et on prend après, oui. C'est con, j'aurais dû sortir aussi pour sport hier. Dernier tour, tous ceux qui étaient à l'hôpital du tour d'avant et tous ceux qui sont au mur des lamentations. Lâche. Bon, dernier tour, on n'est que 3. Ouais. À cause de monsieur qui fait les câlins aux grenadiers. Il faut pas faire des câlins aux grenadiers. C'est bon, là j'ai bien foncé l'équipe de Jérémy, ils ont eu peur. Ah, ils ont bien fait. Je vais te traquer. Je les soutiens, dans l'initiative. Bien, alors les capitaines d'équipe, le nombre 3. 26. Les autres sont en 4. Allez, 1, 2, 3. Ramène que des grenades, que des grenades. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur le dernier tour, c'est mission suicide. C'est chiant les grenades. Allez, dernier tour. En fait, il faut survivre, il faut pas mourir. Enfin, il faut pas mourir tous. Sinon, on gagnera rien. Il faut qu'il y en ait un qui fasse un massacre et l'autre qui essaie de s'en sortir. Bon, moi, j'ai déjà eu la grenade. Du coup, je fais quoi? Tu fais un massacre? Ouais. Et moi, du coup, j'essaie de me mettre... Mais là, il y a plus de monde, vraiment. Tu peux en avoir 4 ou 5, tu... Mais juste sur le dernier moment, tu vois, tu fais un grand pas, tu vois, et tu te mets bien au milieu, tu vois. Sinon, moi aussi, j'essaie d'en avoir le plus possible. Tu seras tout seul à regarder. Hein? On fait quoi? On essaie d'être deux à la fin pour avoir plus de trucs ou Non, on essaie d'avoir un peu de soupe hein, à la fin. C'est l'info. 8. Tu vois plus souvent. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ok. Coup, on va faire ça. Je vous laisse changer la situation. Non. Bon là, en même temps, le mur des lâches, c'est con, dernier tour. Autant c'était bien le tour d'avant, autant là, ça va. Bien. Attention. 3, 2, 1. Colores. Je m'attendais un peu à ça. Bien. Alors, les pistolets simples, les bang, bang, bang. Ouais, bang. Il y en a un là. Il a ferré quelque chose. Ok, super. Donc, la main du coup sur le cœur et te tira pas de secours là. Qui d'autre? Ici. Non. Ici. Sur lui? Ouais. Ok, donc du coup je te prends ta carte. Hop. Ah, couteau. Hop. Hop. Ping. Hôpital. Je te prends aussi ta carte. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Oui, Jérémy. Chris. Tu prends ta carte s'il te plaît. Un double. Gain. Je prends comme ça. C'est bon. Les doubles gains. Là-bas! Double gun! Double gun! Donc tu tirais comme toi, tu tirais les deux? Alors on avait une belle balle, hôpital. Et toi t'en avais pas encore. Donc tu restes là, tu mets juste la main sur le cœur comme ça. Super! Il y en a d'autres des doubles? Non? Alors maintenant, le shotgun. Est-ce qu'il y a un shotgun? Oui. Sur qui? Ah. Ouais, mais le shotgun, ça passe. Ok. Double grenade, là. C'était rien, en fait. C'était rien du tout. Double grenade. C'était rien du tout. Allez, vous me rendez tous les cartes. Je peux bien jouer. Mais non, parce qu'il me tirait dessus, mais il avait une grenade. Tout le monde m'a tout donné. Hop, hop. Oh, vous êtes beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, du coup, on est coupé, nous. Ben ouais. Il y a des sous en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça va pas tout à fait passer. 10 et demi. Bon, vous êtes combien par équipe? 4. 3. 2. Alors, mettez-vous bien par équipe, que je vois que je puisse donner. Alors, je vais déjà donner 30 000. Ouais, 30, 20 000. Ce sera plus simple. 20 000. 30 000. Là, vous êtes 4. 40 000. Là, vous êtes 2. C'est une bonne opération. Ouais. Entre les lèvres de tout à l'heure et les grenades. Il doit rester facilement 5 par tête. Attends, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 110. Oh, à 5 près, il y avait encore un peu plus. Mais non. Donc je vais remettre 5 par tête. T'as pas 110? On est 11. Non, j'ai 105. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais. 10, 15. 20, 10. Et là, il me reste quelque chose de 50, donc c'est pas divisible. Okay. Donc les 50 qui restent, c'est pour moi. Vous pouvez vous réunir par équipe et compter votre butin. Mmh. C'est fini. On a 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140. C'est pas mal. Ça va. 5 tours. C'est dommage, je suis en dernier coup, peut-être. Je me suis dit, en plus, c'était bien placé quand même. Quitte à toi tirer sur ton pote, tu peux tirer sur ton pote pour qu'il explose. Hein? Tu peux tirer sur ton équipe pour qu'il explose. Je sais pas, ouais, c'est vrai. Je sais pas. Je sais pas. 140. Okay. Alors on a un premier total, si je ne m'abuse, qui est à 140, qui termine juste à côté du podium. On a la place à côté. Juste après, on a un 160, c'est ça, ça me rappelle bien. 160, donc ils sont sur la troisième marche. La deuxième marche, on a un 175. 180. 180. Et là, 215, je pense qu'il y a pas de... Effectivement, je pense qu'il y a un peu de sentimentalisme sur les enfants. Faut jamais hésiter à shooter les enfants. Voilà. Avec plaisir, je sais pas si, voilà, si vous êtes content d'être découvert ce petit jeu.